Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous les copains et les copines, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 70. Voilà, un beau chiffre, bien bon, bien rond. Un autre, tu sais, c'est pas dans Passe-Partout, Passe-Montagne, bonbon, bien bon, bien rond. Hein? Ouais, on aimait ça, voir Passe-Montagne, manger des bonbons. Alors, aujourd'hui, épisode question du public, parce que j'avais envie de faire ça, c'est pratique, parce que j'ai pas besoin de me creuser la tête à savoir essayer de trouver quoi dire. Hein? On peut bien le faire une fois de temps en temps. Puis je trouve que ça fait varier, tu sais, ça fait changement de. Vous avez des questions des fois qui sont outre ce que de mes sujets habituels, qui sont pas mal tout le temps à la job. Fait que c'est ça. Mais ben ouais, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire en commençant. Vous suivez ma page Facebook, vous avez vu mes belles acquisitions de jeux vidéo là. Et puis je joue beaucoup. Cette semaine, en fait, là on est vendredi le 26 mars. Et puis, ouais, j'aurais voulu. J'ai demandé des questions tôt, en début de semaine. Mais depuis dimanche, je me sentais comme de la merde. J'avais comme de la gastro, mais sans le liquide qui sort, tu sais. Fait que j'étais assommé, j'ai mal à la tête, j'étais épuisé. C'est vraiment weird. Peut-être j'ai pogné un variant de COVID, man. Qui sait? Et puis, mais je suis pas allé me faire tester pour ça. Par contre, j'ai pas de fièvre ni rien. Donc, c'est comme que ça me pogne souvent, c'est comme mon estomac, souvent, on s'entend. Là. C'est rendu que je suis habitué, je suis comme, ah, ok, ouais, ce mal-là. Des fois, ça dure une journée, deux jours, c'est l'estomac, vraiment, je pense. C'est comme si mon estomac, c'est pas le foie, tu sais, il était comme trop plein, il était raide, il était comme, j'ai plus faim, je suis fatigué, je vais me crisse patience, j'ai mal à la tête, c'est ça, je suis comme assommé, tu sais. Et puis, c'est bien étrange, mais je suis rendu habitué à ça. J'ai fait toute une batterie de tests, tu sais, comme bien des affaires, là. Puis, il n'y a personne qui y trouve quoi que ce soit. Fait que, des fois, je me dis que c'est juste une réaction de mon corps suite à un trop-plein d'alcool, probablement. Puis, le pire, c'est que je bois même pas tant que ça, là, tu sais. Mais, mettons, samedi dernier, j'ai bu comme une bière ou deux de plus, là. Samedi soir, je me suis couché genre à 1 h, tu sais. C'est rien, là, quand je sors au bar, là, je bois bien plus que ça, puis let's go. Mais, je sais pas, c'est comme le corps, des fois, il m'envoie ce signal-là. C'est comme s'il shut down, c'est comme un trop plein, il faut que je laisse tout ça s'éclaircir, tu sais. Fait que l'éclaircissement a duré longtemps cette semaine, j'ai eu de la misère. Je suis même pas venu travailler mardi, fait que... On a un rituel, moi et ma blonde, habituellement, on boit une petite bière ou deux le jeudi. Et vendredi et samedi, et c'est la seule consommation d'alcool qu'on a dans la fin de semaine, tu sais. Puis hier, c'était jeudi, puis j'ai même pas pris de bière. J'ai pris ça relax. Peut-être qu'il y a des gens qui me disent aussi que je devrais boire de la bière, tu sais, de la bonne petite bière facile, là, petite Molson Neck, petite Budweiser, tu sais, au lieu de boire des IPA, des affaires comme ça. Mais je veux pas sonner snob, là, mais ces bières-là, man... Moi, ça me fait pas plaisir de voir ça, tu sais, je bois plus ça, là, tu sais. Oui, si on m'en offre, whatever, je suis chez quelqu'un, on boit ça, on est dehors, tu sais, je vais boire ça, alright. Mais moi, je vais jamais m'acheter ça, tu sais, c'est... M'asseoir puis boire ça, j'ai plus de plaisir, pas en tout, je suis pas capable. Ça commence à faire un bon bout de temps que je bois de la bière de micro, puis, tu sais, même des bières, même une lager, faut qu'il y ait un petit torque, faut qu'il y ait quelque chose, là, tu sais, faut que ça soit un peu plus céréalier, là, que c'est... Ces bières pleines de sucre, de riz, je sais pas quoi, de galasse, là, tu sais. Fait que. En tout cas, bref, meuf là, pis c'est pour ça que je fais ça vendredi matin. Et puis, on commence ça à l'instant. Et puis, j'ai pas regardé les questions tant que ça. J'aime me garder une petite surprise, tu sais. Fait que, des fois, par exemple, les questions, c'est très pointu. Il faudra que je me creuse un peu la tête, mais on va voir. Fait que, je commence par en haut, donc je pense que ça va commencer par la question la plus récente, je vais aller à la plus ancienne. Pascal Gertin me demande quel jeu vous rend le plus fier. Il me vous voit, tu sais, il est super gentil. Quel jeu vous rend le plus fier d'avoir réussi à finir dans l'air 8 bits, 16 bits? Tu sais, le genre de jeu quasi impossible à finir dans le temps. Un jour, Battletoads, je te vaincrai, c'est ce qu'il dit. Pour moi, dernièrement, j'ai réussi la vraie fin de Double Dragon 2 au NES, à Hard, parce qu'il faut mettre à Hard. En fait, c'est que t'as. Ultimate Warrior, tu sais, en tout cas, faut le mettre vraiment hard pour avoir la vraie fin. Et Metal Gear 1 au NES. Premièrement, bravo, j'arrive pas, moi, à faire Double Dragon 2, je jamme dans le temple. Mais je l'ai passé l'autre fois, mais là, j'avais plus de vie, tu sais, c'est vraiment comme, faut le faire, faut que je me pratique beaucoup. Et puis, j'ai pas pris le temps de le faire encore. Cela dit, c'est un jeu que j'adore, et puis, quand j'étais petit, on m'avait prêté le jeu, puis je l'avais fini avec des cheats, là, tu sais, fait que... j'ai déjà fini ce jeu-là. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un excellent beat'em up pour NES, ça, en passant. Puis bravo pour Metal Gear aussi, parce que j'ai bien essayé moi-même. Puis là, j'étais rendu une place où est-ce que c'était comme un genre de labyrinthe, là. Comme je ressortais, je rentrais, puis ça effaçait tout ce que j'étais. Tu sais, c'était confus, là. En haut, gauche, droite, en bas, tu reviens, tout est effacé, tu recommences. Là, j'étais OK, ce fucking jeu-là est brisé, là, c'est pas vrai que je vais faire ça. Puis c'est dommage parce que j'avais du fun, j'étais quand même avancé, puis rendu là, j'ai juste abandonné. Là, t'sais, je veux pas me battre contre le fait que les jeux sont mal faits. Donc, c'est ça. Ah, en passant, vous voyez en arrière, il y a un petit peu de déco, là. Il y a un poster de Narc et de Lolo. En fait, de HAL. HAL America Inc. au NES. J'ai pris tout ça. Maintenant, quand je fouille dans nos livrets et dans nos boîtes chez Retro MTL au QG, je prends tous les posters que je trouve beaux et puis je les mets sur mon mur. Hey, j'ai comme une couette là, qui m'énerve, il mouille dehors. J'ai les cheveux mouillés. Fait que là, ça va être flou au bout, mais je vais juste vous montrer un peu tout ce que j'ai mis sur mon mur. Donc, de ce bord-là, j'ai mes gars gosses. Voyez là, Kemco Seika, Spy Hunter, Bulletproof Software, Dick Tracy. Robotron X au lieu de Robotron 64, très étrange. Petit flyer Konami, Super C, excellent poster d'Atari. C'est beau, c'est beau. Donc Nintendo. J'ai mis un cadre qui avait plus de place pour chez Arcade MTL ici, un cadre que j'ai fait de cover Activision. Le cadre du premier anniversaire King of Kong qu'on avait fait, on avait reçu les champions mondiaux de Donkey Kong. Donc j'avais fait un cadre pour... Gardez ça en souvenir. Fabio! Le beau Fabio! Fait que c'est ça, j'ai mon petit bureau là, qui commence à être décoré. J'aime bien ça. Donc, pour répondre à Pascal, un qui me vient en tête, premièrement, Mission Impossible au NES, qui est un jeu que j'ai acheté avec mon argent quand j'étais jeune. Mes parents m'ont... Tu sais, oui, j'avais des jeux à Noël, puis à ma fête, mais moi, Noël puis ma fête, c'est en même temps. Fait que j'avais pas comme des jeux dans l'année. Puis, tu sais, à Noël, j'ai comme tout en même temps. Fait que, yeah, beaucoup d'un coup, mais pour le reste de l'année, ça fait un peu vide. Mais des fois, tu sais, mes parents, j'ai comme, oh, j'aimerais ça, maman, avoir un jeu de Nintendo, tu sais. Puis, moi, j'osais pas demander, tu sais. Puis, mes parents me battaient. Ils me battaient pas, mais j'osais pas trop demander. Et puis, on avait acheté ça. Je trouvais la pochette absolument incroyable. Je la trouve encore très belle aujourd'hui. Un magnifique Tom Dubois. Tu regardes en arrière, il y a full d'écran de gameplay. Je suis comme, oh! Puis bien sûr, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. C'est ben trop dur pour un enfant. Mais pour un adulte, ça se fait. Et puis, j'étais en colère contre ce jeu parce que j'ai jamais réussi à me rendre bien loin quand j'étais jeune. Pas pire loin quand même. Mais il fallait que je le fasse. Et je me suis assis et je l'ai fait en 2 jours. Et puis, en laissant sur pause. Non, il y a des passwords. Et puis, je suis très fier d'avoir fini ce jeu-là. Le dernier segment, il est quand même pas mal dur. Mais un coup que tu sais comment le faire, ça se fait ce jeu-là. Là, t'sais. Puis pour vrai, là, c'est bien meilleur qu'on pense. Là. C'est un jeu à 10$, là, t'sais, mais... Il y a toutes sortes de gameplay variés là-dedans. C'est tout le temps top-down, mais il y a du bateau, il y a du ski, il y a plein de niveaux, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est vraiment très bien. Toujours au NES, Ninja Gaiden 3, je dois dire que quand j'ai réussi à le faire, j'étais très heureux. C'est un jeu qui m'intimidait beaucoup. C'est un jeu tough, qui n'a pas toujours des continues, malheureusement. S'il y avait toujours des continues, ça serait beaucoup moins décourageant. Ça serait comme les deux autres Ninja Gaiden. Que au moins, si tu meurs dans le dernier monde, il faut que tu refasses le monde au complet, mais à force de le refaire, tu le connais par cœur, tu sais, tu recommences pas au boss. Puis, mais il n'y a pas toujours des continues. Alors, mais je trouve que c'est le plus fluide des Ninja Gaiden, peut-être le meilleur, c'est dur à dire. Je les aime beaucoup les trois, en fait. C'est une série que j'aime beaucoup. Je finis les trois jeux, et puis c'est très très bon. Donc, très fier de ça. Très fier aussi de... voyons. Ah, je l'avais là, je viens juste de l'oublier. Ah, j'ai oublié. au Super NES ActRaiser 2, qui est un jeu que je possédais aussi, moi, quand j'étais jeune, que j'avais acheté, qui était à mes parents, et puis en payant un bout. Et puis, j'étais tellement déçu de voir qu'il y avait plus de la partie top-down God Game là-dedans. Mais j'ai pas réussi à le finir quand j'étais jeune, bien sûr. Puis je me suis assis, puis je l'ai fait en tant qu'adulte. Il y a un an ou deux, je me rappelle plus. Et puis, voilà, j'ai réussi à faire ça. Et puis, bien sûr, c'est bien meilleur qu'on le pense. Tous ces jeux-là qui sont comme bien durs, puis quand tu y refais aujourd'hui avec tes skills d'adulte et puis ta tête d'adulte, que c'est comme, ok, ouais, c'est un jeu de cette époque-là, c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Fait que non, ça, j'étais bien fier aussi. Attendez, là, j'essaie juste de me souvenir de l'autre jeunesse. Ah, man. En tout cas, ça, c'en est ceux-là. Alan Bernard, qui demande... Oups, extension. Crois-tu que le prix des jeux de ces consoles augmentera après le retrait de la possibilité d'acheter en numérique? Perso, je pense les jeux PSP et Vita vont prendre de la valeur. Donc, il me pointe un article de Gamer que la PS3, la Vita et les PSP Stores vont fermer dans pas long. Moi, ce que je pense de ça, c'est que ça ne changera pas grand-chose à la valeur des jeux comme tel. Ça dépend. Si il y a un jeu qui est uniquement disponible en téléchargement, c'est fini. Je pense le fait qu'il disparaisse pour toujours va pas influencer la valeur des autres jeux. Par contre, s'il y a un jeu physique et en ligne qui existe, peut-être que le jeu physique pourrait prendre la valeur, à mon avis, mais... Tu sais, il y a bien des affaires qui ont fermé depuis le temps, puis je pense pas, à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas vu de grandes vagues. Tu sais, le Wii Store a fermé, les jeux Wii n'ont pas pris de valeur. En même temps, il y a eu la pandémie, ils en ont pris un peu, c'est dur à dire. Mais moi, je m'inquiéterais pas. Inquiétez-vous pas si vous voulez acheter ces jeux-là. Si vous les avez, je dirais de pas fonder votre patrimoine familial sur la fortune que ces jeux-là vont vous apporter. Moi, je pense pas que ça va bouger bien. Ça va être un facteur à travers probablement d'autres facteurs qui a tout le temps des facteurs qui fait que le prix des jeux change tout le temps. Mais en même temps, PS3, PSP, c'est vraiment pas des librairies de jeux là, hyper... Toutes les librairies de jeux ont des bons jeux, des jeux chers, des jeux recherchés et tout. Mais dans l'ensemble, c'est pas la grosse affaire. Là, les jeux de PS3, man... me bâtir une maison en ça, là, ça me tentait. Si j'arrêtais de dire non à tout ce qu'on nous propose, on pourrait bâtir une maison en PS3 puis des portes en PSP, là, t'sais, ça serait nice. Vita, par exemple, je dois dire que c'est une console qui demeure quand même populaire présentement. Et puis, quand on a des lots de Vita, ça part assez vite. Et puis, je me demande même si les Metal Run font pas encore certaines versions Vita de jeux. Mais il en existe en tout cas. Donc la Vita est une excellente console portable qui, je pense, est très versatile si tu veux aussi la hacker et faire plein d'affaires avec. Donc ça demeure un excellent produit, mais en même temps très niché. Là, donc personnellement, je pense pas là, que... C'était quoi la question officielle? Que les prix des jeux augmenteront. C'est ça, je pense que ça va se maintenir pas mal. Je pense pas que ça va faire grand chose. Benoît Landry. Si tu avais à partir une troisième entreprise différente de arcade et rétro, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Là, il y a des replies. Vite de même, Benoît. Bon, j'ai des amis qui parlent de microbrasserie, oui, parce que j'en parle beaucoup. Oh yeah! J'ai eu une contre-offre de eBay sur de quoi qu'on a besoin d'acheter. Je viens de voir popper ça dans mon feed. On a des Coleco à réparer, puis on a besoin d'une certaine chip. Et puis là, notre technicien, Carl, il a vu sur eBay un post d'acheter un petit paquet de chip, genre, puis on pourrait réparer bien des affaires avec. Fait que j'avais besoin de ça. Mais j'ai fait un make-offer 20$ moins cher, 20$ US moins cher, contre-offre de 16$ moins cher, donc je vais accepter ça après. Et puis Carl va être content, il va pouvoir réparer des Coleco. Donc, ouais, microbrasserie. Benoît Landry continue en disant « Vite de même, j'ai plusieurs idées possibles. Tu sais, microbrasserie, agence de design graphique, studio de jeux rétro, système de grading de jeux, maybe organisateur événementiel, maybe une publication magazine complet québécois ou peut-être d'autres idées secrètes qu'on n'a aucune idée. Sex shop, premièrement, et avant tout, avec des longs pénis. Là, j'aimerais ça avoir des longs pénis. Tu sais, tu rentres, c'est comme un couloir. C'est un long, long couloir avec, au lieu d'avoir des colonnes de chaque bord, c'est des gros pénis gélatineux. Tu sais, ça shake. Tu rentres, là, des gros pénis qui shake de chaque bord de toi. Machine à café dans le coin, bien sûr, parce que café. Tu sais, puis vraiment, là, des tapis en vulve. Puis dedans, il y aurait juste comme des films à vendre, mais juste un film. Je sais pas, ça serait lequel, puis ça serait ça. Fait que ça, c'est mon projet numéro 1. Tout un temple en pénis puis en vulve pour vendre un film, tu sais. Ça, ça serait mon affaire. Deuxièmement, microbrasserie, projet de bière, j'en ai souvent parlé. Puis oui, définitivement, j'aimerais vraiment ça. Et puis, pas cette année, bien sûr, l'autre année d'avant. Et l'autre année d'avant, j'ai essayé d'étendre mes contacts vers les gens de bière. C'est comme ça que j'ai connu Étienne de Vox Populi et puis de Pixel, dans le fond, et puis une couple de personnes de Schlag, et puis d'autres personnes avec qui je parle, propriétaires d'Expérience Bière, les frigos de Bacchus proches de chez nous, les gars de Mutoïde proches d'ici aussi, je leur parle un peu, j'essaye de les encourager. Donc, j'ai des gens, puis là, il y a beaucoup, tu sais, les jeux vidéo aussi, ça touche pratiquement tout le monde. Fait qu'il y a bien des amateurs de bière qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui aiment les jeux vidéo, puis qui connectent via, mettons, le groupe Club Vidéo Houblon, que moi et Éric Hébert, on a fait, entre autres. Et puis, tu sais, comme, c'est ça, moi j'essaye de, moi je connecte les affaires le plus possible. J'essaye d'avoir des contacts dans ce monde-là. J'ai pas hooké des gens, j'ai pas hooké le gars de Shelton, Monsieur Shelton lui-même. Mais il y a personne qui veut m'engager ou s'engager avec un pauvre papa cassette qui a tellement des ambitions puis des désirs de faire de quoi. Puis personne n'y croit apparemment à mes bonnes intentions pour l'instant. Fait que faudra que je le fasse comme d'habitude moi-même, apparemment, tu sais. Fait qu'un jour, j'aurai le contact, il va popper le bon contact pour un projet bière quelconque. Il y a de quoi qui va se passer, je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Et puis, parce que si je veux que ça arrive, ça va arriver, tu sais. Donc, c'est comme ça que ça marche apparemment, ça marche bien. Donc, moi, je lance des perches. Je fais un podcast comme ça, je pitche des affaires. Il y a peut-être un parmi vous qui va parler à quelqu'un. Quelqu'un va me poker, tu sais, comme je vais... Oups, il y a un local, il y a un bar qui va se libérer, que je vais voir, que, tu sais, comme je vais faire des connexions, puis on va y arriver. Mais là, on peut pas y arriver encore. En fait, je voulais... moi, j'étais prêt à investir là-dedans, puis à faire quelque chose, là, tu sais... J'étais vraiment rendu loin dans mon pitch de vente, et puis, mais là, la pandémie est arrivée et tout, puis Retro MTL finalement a comme explosé. Donc, j'ai eu besoin de m'investir énormément chez Retro MTL. Et puis, bien sûr, pendant la pandémie, il n'est pas question de penser à aucune forme de développement ou de projet. On y pense, mais on n'a pas l'argent. Fait que, tu sais, là, mon argent il est investi un peu ailleurs, mais il y a tout un moyen d'en trouver quand on veut faire quelque chose. Donc, c'est ça, j'ai comme mis ça sur pause, le projet bière, mais je l'ai dit souvent en effet dans mes affaires. Moi, tu sais, comme un arcade, un magasin de jeux, puis une affaire de microbrasserie, moi, ça, je serais bien heureux là-dedans. Et puis, ça en est une. Mais j'aime tes choix, par exemple, Benoît, une agence de design graphique, ça a été un des. C'est quelque chose que j'aurais souhaité avant. C'est pour ça que j'ai été dans des bureaux où est-ce que j'ai moi puis deux de mes amis. On était trois pigistes ensemble, on s'était loué un espace commercial, on s'était trouvé un nom, ça s'appelait Royal Deluxe, et puis on était dans la Grover, le gros immeuble Partenay et Ontario, et puis on essayait de développer, d'avoir des contrats, on s'était fait un branding, on avait trouvé des clients, tout ça. Finalement, ça n'a pas levé assez. On avait chacun nos clients, mais on n'a jamais comme fusionné ça ensemble, puis faire le next step qui serait une vraie entreprise, là, dans le fond. Mais le problème aussi, c'est que on était trois gars pareils. Tu sais, quand tu cherches des associés, trouve des associés qui sont complémentaires à ce que tu fais. Là, on était trois gars qui font du design graphique, mais on n'avait pas de personne pour trouver des contrats, charger de compte. Là, tu sais, ça me prend une chargée de projet. Là. Je dis une parce que il y a des gars aussi qui en font, mais beaucoup, beaucoup de filles. avec qui j'ai travaillé, dans le fond, puis tellement des excellentes, là, tu sais. Fait que ça te prend quelqu'un qui développe un peu, qui te pousse, OK, telle affaire, nanana. Quelqu'un qui trouve des contrats, puis qui supervise le tout pendant que nous autres, on fait la job de bras, tu sais. Mais là, on était juste trois gars qui font de la job de bras, donc ça n'a pas réussi à lever. Mais c'est du passé pour moi. J'ai plus aucun désir, là, d'être en agence ou de faire partie d'une agence de design, de pub ou quoi que ce soit. Mes skills de design graphique, je les utilise pour mes entreprises et puis pour faire des contrats quand j'en ai besoin, et puis c'est pas mal ça. T'sais. Sinon, moi, je veux vivre de mes projets, et puis s'il fallait que je retourne en fait travailler pour quelqu'un, je voudrais que ça soit en développement ou en essayant de, tu sais, comme, c'est ça, en développement d'entreprise ou quoi que ce soit. Là, je veux plus être un employé designer graphique ou directeur artistique. C'est du passé. Studio de jeux rétro, j'aimerais ça, mais j'ai pas aucune connaissance là-dedans. c'est bien ça mon problème. Encore une fois, je pourrais bien... Si j'avais bien de l'argent, j'engage tout le monde, je dirais « Hey, j'engage toi, on fait un jeu! » T'sais, mais j'ai pas ça, t'sais. Pour faire ça aussi, il faudrait que je laisse Rétro MTL, que je puisse m'en aller d'ici puis travailler sur autre chose. Ça va venir aussi, comme là maintenant on a deux employés au magasin, on a des employés ici, fait que techniquement comme cette semaine, j'étais malade, si je rentre pas, ça change rien, t'sais. C'est pas moi qui ouvre, c'est pas moi qui ferme, je peux contrôler à distance, répondre à distance aux employés s'ils ont des questions, donc l'arcade ça fonctionne de même aussi, il faut que tu laisses du temps à tes entreprises qui marchent de par elles-mêmes, puis après tu peux commencer à penser à peut-être un autre projet, là, à t'occuper à autre chose, t'sais. Sinon, quoi d'autre? Organisateur d'événements, ça c'est... j'ai quelque chose déjà. J'ai déjà organisé pas mal d'affaires, là. Ça me tente plus non plus de faire ça. J'étais épuisé. Tu sais, comme Arcade MTL, c'est de l'organisation de ci, de ça. Tu sais, c'est des tournois de jeux, des ventes de jeux. Tu sais, j'ai organisé plein de genres de petits événements comme ça. Ça me tente plus de faire ça du tout. Mais une chose que j'aimerais et qui me manque, par exemple, j'aurais ça que Montréal ait son PAX East ou son Portland Expo, tu sais, ait son événement de jeux rétro. Puis pas juste une place de vente, là, tu sais. Je veux voir des studios qui développent des jeux à saveur rétro. Je veux qu'il y en aurait de la vente, mais il y aurait des speedrunners. Il y aurait, tu sais, un peu de tout. Là, un vrai événement à saveur rétro, là, tu sais, le festival rétro. Je sais que les gars de RetroGamer.ca l'ont fait. Leur festival rétro, ils appelaient ça de même. Mais plus que ça, tu sais, une coche de plus que ça. C'était, je sais pas, ça prend une place assez glam, tu sais. Le méga qu'il y avait au marché Bon Secours, moi, je trouvais ça quand même pas mal nice. Donc, il y a de quoi à faire avec ça, mais définitivement, j'ai pas la force d'instaurer ça seul, puis de parcourir les contacts, puis de m'investir là-dedans. J'ai besoin d'une équipe, tu sais. Je veux pas monter ça tout seul, là. Je vais me tuer, là, tu sais. Puis, j'ai besoin d'être payé aussi pour faire ça, on s'entend, là. C'est beaucoup de temps à investir, et puis le temps, c'est de l'argent, puis pendant que je fais ça, je suis pas ici, premièrement, à être payé, à travailler, puis à développer mes entreprises, donc... Ça me prend une forme de rémunération, là. Tu sais, moi, les freebies, là, j'en fais plus, là, tu sais, ou très peu, là. Tu sais, je vais aider mes amis avec des affaires de graphisme, whatever, tu sais, mais... tu sais, je vais rendre service. Là, demandez-moi pas tous des services, là, c'est ça. Je vais gentiment dire non. Mais bref, je fais plus, là, des affaires gratuites ou de pitcher des... Tu sais, j'ai d'autres idées aussi, j'ai... Un peu à la, justement, je sais pas moi, Pay sur Start ou RDS, jeux vidéo, je voudrais ça, mais un genre de channel, jeux vidéo. J'aimerais ça, moi, avoir un channel, un truc jeux vidéo de même, tu sais, mais la nouvelle du jeu vidéo, tu sais, ben, c'est déjà couvert ici au Québec, mais touche plus de rétro, justement, je sais pas, tu sais, mais je vois pas comment on peut monétiser ça. Puis, tu sais, on a eu à Rétro Nouveau des gens qui ont, puis je les remercie encore aujourd'hui. D'avoir contribué au blog de Rétro Nouveau puis tout, puis tu sais, commander des articles, puis payer le monde pour faire des articles, faut que t'aies l'argent pour les payer, tu sais, puis ça te prend des commanditaires, puis il y a des commanditaires, faut qu'il y ait de la pub sur tes pages, puis pour ça, faut qu'il y ait du monde qui vienne, ça te prend des stats, faut que ça fonctionne, tu sais, fait que, mais j'aimerais ça avoir un beau portail, là, quelque chose qui regroupe les podcasts de gaming, ça regroupe... Tout Québec gaming rétro cool dans un channel, sous une affaire. Aussi, j'aimerais avoir, là je pitch plein d'affaires comme ça, je pense souvent à Radio Cassette. Donc la radio de Papa Cassette, mettons, qui serait la radio, comme là je vous parle, là, mettons le matin, au lieu de mettre Arcan, ben après Arcan, mettons, écoutez Arcan, c'est excellent, mettez Radio Cassette, et puis là, il y a des doux ou des doudettes qui parlent de jeux, whatever, sous quelle forme, la nouvelle, tel jeu, tu sais. Fait que ça serait comme, c'est ça, une radio, aussi, une radio qui parle de jeux vidéo, ce serait bien, ça. Mais tout le temps, tu sais, comme il faudrait trouver un loop. Tu sais, il y aurait de la musique de jeux vidéo dans les temps morts. Tu sais, je sais pas, il y a moyen de remplir ça, là. Tu sais, il y a besoin de bâtir quelque chose. Il y a assez de monde qui produisent du contenu au Québec. Il y a assez de podcasts. Il y a assez de musiciens. Il y a assez de développeurs de jeux, des gens en entrevue. Il y a du monde qui parle bien. Tu sais, il y a de quoi à faire, là. Tu sais, fait que ça, j'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Fait que c'est un peu ça. Donc, Benoît, bonne question. On verra ce que l'avenir réserve pour l'instant. C'est full développement pour Retro MTL, puis on va commencer par attendre que la pandémie se termine. Et puis là, je sens une troisième vague d'après les médias, mais c'est ça. Moi, je suis ouvert à tout. Je vais avoir du fun. Gabriel Landry. Tes projets vont bien, ils t'occupent beaucoup, mais as-tu d'autres projets ou idées d'entreprise en tête, incluant des projets non liés à des jeux vidéo? Je viens d'y répondre pas mal, beaucoup. Mais non relié à des jeux vidéo, je dois dire que j'en ai pas vraiment. Un projet que vous vous rendez pas compte que j'ai, c'est mon immeuble sur lequel je travaille. Là, on est en train de... qu'on l'améliore tout le temps, tu sais. À l'intérieur, on a refait la chambre de mon plus jeune. Il me reste des cordes ronds à installer. On a de la peinture, des affaires comme ça. On va refaire la cour bientôt, en fait, dans un mois à peu près. Mardi matin, il faut que j'aille magasiner les dalles. Donc, l'achat, les améliorations, la gestion de cet immeuble-là, ça a été un hostie de gros projet. En même temps que Retro MTL commençait, dans le fond. Fait que j'ai comme fait ça en parallèle, là, tu sais. Ça a l'air de rien, là, c'est pas rien. Mais c'est beaucoup de travail, là, vendre sa maison, ne plus avoir de logis. Finir par trouver comme un plex comme on le veut, à l'endroit qu'on veut, dans un esti de marché qui est fou raide et qui l'est encore plus présentement en temps de COVID. Et puis le stress, tu sais, de ça, puis les affaires qui pètent, les assurances qui veulent plus m'assurer parce qu'en haut, il y a des esti de vieilles fournaises au gaz qu'il a fallu que je fasse enlever, tu sais, puis les galeries sont toutes scrap, puis là, fiu, Dieu merci, le toit est correct, des dégâts d'eau, on a tout eu ça, tu sais, refaire le sous-sol, faire creuser le sous-sol, là, c'est pas une mince affaire dans une vie, là, je vous le dis, là. Fait que ça a été un énorme projet, c'est un investissement, on est tellement heureux d'où est-ce qu'on est, tu sais, notre nouveau, on a un cercle social à notre ancienne maison, on n'avait pas vraiment, tu sais, dans ce quartier-là. Là, on a des amis, des gens qui nous ressemblent. On est vraiment, vraiment heureux. On marche sur le maçon, on va dans le commerce. C'est parfait. On s'est bien positionné. On est très heureux à cette place-là. Et puis, ça, c'est un projet réussi. Puis c'est un projet pour l'avenir. C'est mon héritage pour mes enfants. C'est cet immeuble-là est mon avenir. Donc, quoi d'autre? Sinon, outre jeux vidéo, pour être franc, là, je veux juste aller voyager. C'est tout. J'ai pas de projet autre. Je veux pas me partir une serre là, de tomates ou je sais pas quoi. Là. Pas mal tout est dans les jeux vidéo. Là, t'sais. Moi, ma blonde, c'est sûr, on aimerait bien avoir un chalet, mais c'est pas le moment là, présentement. Là. Il y a trop de travaux à faire sur l'immeuble et puis c'est trop de... Avoir un chalet, c'est de l'ouvrage, ça, là, il faut que tu... Beaucoup de gestion, si tu loues aussi, le Airbnb, il y a des affaires pétées, faut que tu l'organises, faut que tu y ailles aussi, tu sais, à ton chalet tout le temps, parce que tu te sens bien mal de pas y aller à ton chalet quand t'as un chalet, fait que, tu sais, comme on n'a pas, on a des enfants, tu sais, on est trop, là, on n'a pas le temps, on veut pas se lancer là-dedans. Plus qu'on gagne la liberté avec nos enfants qui grandissent, moi et ma blonde, on veut juste prendre ça relax, aller faire les ventes de garage la fin de semaine, tu sais, chose qu'on fait plus parce que nos enfants haïssent ça. Et puis, juste avoir du fun, essayer des restos, tu sais, comme... Juste, outre mes projets vont pas mal toujours avoir une tendance gaming, parce que c'est ce qui m'intéresse, puis veux pas, suis là-dedans, puis j'ai un genre, pas d'expertise, mais tu sais, j'ai un créneau, il y a comme un créneau qui se rattache à moi dans un sens. Fait que je vais continuer de l'exploiter. Fait que c'est ça. Rouge, je ne vais pas dire ton nom mal, Roujdi Sadouni, qui demande pourquoi Papa Cassette et non pas Papa Cartouche, qui serait plus logique. Hihihi. Peut-être es-tu européen, mon cher, mais si oui, au Québec, la langue populaire était de dire cassette pour désigner une cartouche de jeu. Donc, c'est pas passer à cassette, finir la cassette, s'échanger des cassettes. On disait ça, des cassettes, je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui ai décidé. C'est... Le Québec a parlé, a mal parlé et ça l'a rentré. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de dire papa cassette. Je trouvais que ça avait plus de torque là, puis plus de appeal. Est-ce que je parle mi-anglais? Moi, c'est pas grave. Vous comprenez? Ça avait plus de force là, que papa cartouche. Je trouve que ça fait un peu hein? Ça fait un peu doudou. Et puis voilà, donc c'est ça, c'est parce qu'au Québec on dit cassette. Quand j'allais dire cassette, le monde allait relate un petit peu plus ou trouver ça drôle, tu sais. Et puis on peut s'amuser avec les cassettes. Bruno Fizet me demande, oups, excusez. Avec l'achat en ligne qui est de plus en plus répandu et avec le contexte de la pandémie, quelles sont tes expériences, tes trucs ou astuces pour trouver des jeux complets que tu recherches en ligne ou si tu privilégies quand même les achats en personne? Merci. Moi, les achats en personne, c'est pas mal terminé. Parce que... T'as un peu, là. Il y a comme un pop-up qui vient de popper. OK, excusez. Ben, tu sais, c'est ça. En personne, moi, je magasine plus les jeux sur Kijiji, tout ça, puis des deals là, de stationnement, puis ce genre d'affaires-là. Je l'ai fait quand même pas mal. Mais là, comme de toute façon, les jeux, je les chasse même plus tant anyway. J'ai plein d'affaires, j'ai pas mal tout ce qu'il me faut, puis je cherche pas à amasser quoi que ce soit de plus. Voyons, excusez. Je veux pas chercher les jeux c'est ça, je cherche pas à ramasser plein d'affaires, puis à revendre, puis garder ce que je veux. Tu sais, c'est fatigant. Même là, j'ai des affaires à vendre, puis je suis comme, faut que je prenne ça en photo, puis que je réponde à des gens, puis tout ça. C'est bien gossant. Mais mettons, si on prend la question que je cherche de quoi de précis, puis je le veux, tu sais, moi, je vais regarder sur... c'est vraiment des contacts, là. Beaucoup, beaucoup de contacts sur des pages Facebook en Ontario. Mettons, pour finir mon set Game Boy, je me suis mis dans un groupe Game Boy. Je poste un petit peu. Je demande aux gens, avez-vous des affaires, tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Et puis, je cherche... excusez. T'as pu, là. C'est ça, j'ai plus les contacts, j'y vais précis, je vais dans des groupes, mettons, là je suis sur le groupe High End Game Room, donc qui parle beaucoup de grading, comme je vous disais, et puis je voulais un Panic Restaurant sealed, ben là, je pokerais sur ce groupe-là, bon, avez-vous ça, tu sais, mais en personne, oui, je veux dire, si c'est possible, mais je vais pas m'en... C'est plus tant possible de nos jours. T'sais, l'achat se fait en transaction en ligne. PayPal existe pour vous protéger aussi. Donc, si vous achetez quelque chose qui coûte cher à un inconnu et que vous voulez être sûr de votre affaire, payez avec PayPal, mais en payant comme un service ou un bien. Donc, tu as deux options quand tu payes avec PayPal. Tu peux envoyer de l'argent à un ami. Ça, tu n'as aucune protection, mais il n'y a aucun frais. Ou payer comme un service et un bien. Et puis là, il y a des frais de 0.3% ou 3%. Non, pas 0.3, 3%, tout ça, quelque chose de même. En tout cas, il y a des petits frais qui s'appliquent. Et là, ainsi, tu es protégé. Donc, si j'achète un jeu à 500$ à un gars aux États-Unis, je le paye avec ça. Ça va me coûter des frais, peut-être une vingtaine de piastres. Souvent, c'est à l'acheteur de payer ces frais-là. Et puis, c'est ça. Attendez, là. On peut... excusez. Les messages qui pop là. Arrêtez. Hostie, c'est maintenant. Donc, c'est ça, c'est à l'acheteur de payer souvent ces frais-là, vu que c'est lui qui demande une sécurité, là, tu sais. Et puis, si la personne n'envoie pas l'affaire, tout ça, ben là, tu as un recours avec PayPal, tu vas faire rembourser ton argent. Et puis, that's it. C'est comme eBay, tu as des protections sur eBay aussi. Donc, moi, je vois pas le stress de ça, tu sais. Mais, mettons, j'ai acheté la collection Game Boy à un dude aux États-Unis, 5 000$ que j'ai envoyé dans le PayPal. C'est sûr que là, c'est pas une affaire qui s'est faite là, en 5 minutes. Là, t'sais. On s'est voice chat, on s'est vu en vidéo, on a parlé, t'sais, puis à un moment donné, il y a une confiance là, t'sais, qui s'installe quand même. Là. Je me suis bien rendu compte que ce gars-là, il était clean, c'était pas un trou de cul. Je suis allé voir sa page Facebook, son Instagram, il existe, sa blonde est heureuse. Je dis, OK, ça, c'est une personne balancée. Ça, ses vraies photos de sa blonde, de son profil, c'est une personne qui existe. Il n'essaye pas de m'arnaquer, donc on va aller de l'avant, t'sais. Et puis, si tu achètes sur des pages Facebook de gens que tu connais pas, tu peux toujours demander aussi, genre, c'est quoi en français, non? Tu peux demander, en tout cas, s'il y a d'autres personnes qui ont fait affaire avec cette personne-là, s'il est fiable, puis les gens vont répondre, tu sais, fait qu'on peut se fier à ça. Donc, toute une question de contact, en fait, et puis, moi, tout se passe en ligne, tu sais. Puis là, tu vois, Flip Jeu à Québec a publié une photo hier, avec deux jeux de Super NES que je cherche, puis des Five Screws de NES. Il y en avait une gang, là, je suis comme « Oh! » Tu vois, je le poke, puis là, je vais essayer d'avoir ça, je vais checker ça tantôt aussi. Donc, c'est vraiment une affaire de contact, là, tu sais. Donc, je te dirais, faut pas avoir peur de ça, mais faites attention, tu sais. Un gars louche, là, tu sais. Je vois tellement du monde qui poste genre une mauvaise transaction qu'ils ont faite genre sur des groupes Facebook. Oh là, le gars, il m'a dit ça. Puis là, après, c'est comme d'autres. C'est clair qu'il allait te crosser, ce gars-là. Voyons donc. Puis toi, t'as accepté genre de faire ce qu'il t'a demandé, de lui shipper le truc sans qu'il t'aille payer avant, puis qu'il te paye quand il allait le recevoir. Finalement, il dit qu'il l'a jamais reçu. C'est comme d'autres, là. Check tes affaires, là, tu sais. Faites pas confiance en n'importe qui, même, là, tu sais. Voyons donc, là, ça. Faites preuve de jugement, là, tu sais, vraiment. Puis renseignez-vous, puis développez-vous un réseau de contacts. C'est vrai, soyez sur des groupes Facebook, tu sais, comme. Puis soyez actifs, là, ou non, mais checkez ça, tu sais. Sam Dess, Samuel Desmarais, je crois. Question simple, tu mets ton lait avant ou après les céréales? Là, ça, je savais pas que c'était quelque chose. Y a-tu des animaux parmi vous qui mettent le lait en premier? Genre, puis ils mettent les céréales par-dessus? C'est un... Sérieux, c'est la chose la plus étrange que j'ai entendue depuis les deux dernières années. Il me semble que tu mets les céréales, puis là, tu mets le lait. Puis là, tu vois le lait monter, puis là, tu guesses quand tu as assez de lait correct, tu sais, pour ta quantité de céréales, tu comprends? Mettons, tu manges des Froot Loops, là. Il faut que le lait, il arrive, comment dire, à mi-chemin entre la cime de ton bol de Froot Loops, tu comprends? Faut pas qu'il y en ait jusqu'en haut, faut que ça dépasse un peu sur le dessus, mais faut que tu vois le lait quand même, sinon les Froot Loops, ils absorbent trop le lait, tu comprends? Fait qu'à la force, tu sais, à un moment donné, tu vois ton gauge. Les céréales t'aident à bien gauger la quantité de lait. Sinon, man, c'est un monde sans règles, c'est un monde sans paramètres, mettre du lait comme ça pour des céréales. À moins que tu aies un bol qui a des coches dessus, que tu es capable de dire « Ok, aujourd'hui, je mange des Rice Krispies, je sais qu'au Rice Krispies, j'ai besoin de mettre des céréales aux trois quarts puis du lait à la demi. Donc, je mets mon demi de lait avant puis j'aime ça voir mes céréales croustiller, je sais pas, mais... Les metteurs de lait d'abord et céréales ensuite, vous êtes des gens en louche, je vous le dis. Oliver Miller me dit... Me demande, considérant la grande quantité de jeux qui sortent chaque jour sur plusieurs consoles, crois-tu que la demande va éventuellement se diluer? Dans ce sens qu'à ce rythme, les gens devront choisir ce qu'ils conviennent vu la trop grande offre. Ah, moi je pense pas en tout. En plus, présentement, la PS5, il n'y a pas de jeux. Les consoles, les grosses consoles next-gen sortent, puis il n'y a pas de jeux. Ben, attendez, moi je pense juste physique, c'est pas vrai, je m'excuse, parce que je suis habitué au physique. Mais ouais, il y a beaucoup de jeux, mais tu sais, les gens, hein, ils ont des backlogs de fou. Le monde achète des jeux puis ils jouent même pas, tu sais. Fait que moi le premier, tu sais, vu que je les collectionne, mais même les non-collectionneurs de jeux vont acheter plein de jeux numériques. puis ne pas y jouer, tu sais, les Steam Backlog, c'était un très bel exemple. Donc, moi, je pense que les jeux vidéo sont en force. Et puis, il y en aura jamais trop. Il va surtout, les meilleurs seront joués. Tu sais, les gens, ils vont découvrir tout le temps les meilleurs. Les meilleurs vont rouler, puis les moins bons vont s'éteindre. Et puis, ça va vraiment être de même. Mais je pense, tu sais, la demande est là. Puis l'offre est là. Je pense que c'est un marché bien huilé là, présentement. Je vois pas de débalancement. Là, t'sais. Il y a une énorme offre. Il y a plus de monde aujourd'hui qui font plus de jeux indépendants. Mais de ça va tout le temps sortir le vrai bon. T'sais. Puis tout le monde, c'est pas un jeu indépendant à 30$, 40$ qui va faire que quelqu'un ne va pas en acheter un autre au même prix si l'autre il est bon aussi. C'est pas assez cher pour ne. Je dis pas là, que n'importe qui peut acheter tous les jeux qu'il veut, mais c'est ça. Si on parle de jeu indépendant, c'est pas si cher que ça du fait que tu peux pas mal acheter tout ce qui te tente. T'sais. Et puis, c'est ça. Non, moi, je vois ça comme un marché très bien balancé. Simon Terrien, quel est ton top 5 beat'em up à vie, peu importe la console? Ah, tu vois, ça c'est le genre de question que j'aurais dû lire avant, parce qu'il y en a beaucoup. Attends un peu. Je peux pas te faire un top 5 là, précis, mais je peux t'en dropper une coupelle. Bien sûr, Turtles in Time au Super Nintendo, très complet. Moi, j'adore ce jeu-là. Et puis non, pas la version Genesis. La version Super Nintendo est nettement supérieure, à mon avis. Écoute, River City Girls, j'ai vraiment aimé ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai vraiment aimé ça. Là, je me sens mal parce que c'est genre le River City auquel j'ai le plus joué. L'original, j'ai fait une game une fois avec mon ami Nicolas Lachapelle, ancien de Rétro Nouveau. Et puis, c'était pendant un WEG, genre un des premiers WEG. Et puis, c'est la seule fois que j'ai joué une longue game de ça. Mais tout le monde dit que c'est l'affaire de fou. Puis, je suis d'accord, je suis sûr que c'est un des meilleurs beat'em up of all time. Mais j'ai pas assez joué, donc c'est ça. Sinon, Streets of Rage, ça c'est sûr. Mais tu sais, moi, le premier Streets of Rage, il vient me chercher parce que c'est celui que j'ai joué quand j'étais jeune, puis j'ai découvert ça, puis j'en revenais pas. Puis Streets of Rage 2, c'est le meilleur de la série, paraît-il. Mais j'ai pas grandi avec, mettons. Mais je sais, tu sais, comme c'est lui qui mérite le spot des Streets of Rage dans le top. Quoi que Streets of Rage 4, j'ai aimé ça en tabarnak. J'ai vraiment trouvé ça bon. Donc, ça, c'est très, très bien aussi. Moi, j'aime... Il n'y a pas sa place dans le top, là, mais Double Dragon, Super Double Dragon, Super Nintendo, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un peu slow et répétitif, mais définitivement un beat'em up que vous devez essayer. Moi, Final Fight à l'arcade, ça demeure un jeu là, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et qui m'a marqué à vie. Donc, tant qu'à moi, ça mérite un spot. Au Super Nintendo, il y en a plein des beat'em up. Au Genesis, il y en a plein aussi, ma foi. Faudrait bien que j'en sorte un dernier. T'as pu, là. J'en ai essayé plein, mais j'en ai pas exploré deep assez encore. Peut-être que le nouveau Turtles va être dans le top. Scott Pilgrim, j'ai jamais joué non plus. Peut-être que je vais triper là-dessus. Mother Russia Blades, j'ai aimé ça, mais pas tant. Au Super NES, j'ai essayé The Peacekeepers, Sonic Blastman 2, Captain Commando. C'est tout bon, mais c'est genre tout bon. Égal, tu sais, The Combat Tribes, j'aime bien The Combat Tribes, mais il n'y en a pas un là-dedans, mettons, qui me fait capoter ou que je rejoue tant que ça, comme, mettons, Turtles 4. Fait que ça fait, en tout cas, ça en couvre quelques-uns, hein, n'est-ce pas? Martin Merino, es-tu prêt à faire une franchise pour Retro MTL? Donc, avec Stéphanie Marcellet et Ariane Demers-Perrault qui mettent un petit cœur là-dessus. Pas de suite. pas tout de suite. Là, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur l'immeuble ici, comme j'ai parlé dernièrement. D'ailleurs, ça, c'est un dossier qui est sur le back burner pour un bon mois encore, le temps que les proprios finissent des choses en bas. Donc, ils sont occupés, ils ne sont pas tout de suite disposés à en reparler. Donc, j'ai pas de nouvelles là-dessus, mais j'en aurai pas pour encore un bout. Mais non, l'expansion présentement, ça serait trop compliqué. Donc, c'est quelque chose qui peut venir, mais là, le prochain objectif, c'est le focus de merger les deux places en une. Ça va-tu se faire ici? Ça va-tu se faire ailleurs? Je sais pas, mais c'est notre dossier prioritaire. Là. On n'est pas prêt. S'il y a une opportunité qui se présente, on verra, mais on va pas courir après pour l'instant. Alexandre Letellier. Salut Dom, je me demandais comment vous choisissiez les arcades que vous avez chez Arcade MTL. On ne les choisit pas, on achète ce qu'on trouve. On reçoit des messages régulièrement par rapport à ça, et puis c'est pas évident on n'a pas de secret, on n'achète pas ces machines-là à des places comme Mira Amusement, puis tout, qui vendent 2000$ au-dessus du prix de la vraie valeur, puis qu'il y a des écrans CRT, pas des CRT, mais qu'il y a des écrans HD dedans, puis c'est même pas, il n'y a plus rien d'original sur la machine. Nous, en fait, nos critères, c'est que la machine soit originale le plus possible. T'sais, oui, on peut changer des sticks, des boutons, refaire du art sur le cabinet, t'sais. Mais il faut que ça soit un écran CRT, il faut que ça soit le vrai board dedans. Et puis, oui, chez Arcade MTL, on a même des machines qui sont pas ça, mais ça, c'est parce qu'on veut juste plus de trucs. Mais à la base, la machine doit être ça. Et puis, puis on essaie d'avoir la variété, comme pas juste des fighters, pas juste des... T'sais, ça prend du char, ça prend de la course, ça prend du gun, ça prend des fighters, puis ça prend des jeux d'aventure, puis ça prend du classique, là, tu sais, Donkey Kong, Pac-Man, tout ça. Donc, on essaye de se maintenir avec une balance de ça. Là, ce qu'on voudrait, ça serait une machine Dance Dance. On veut vraiment ça. S'il y en a une qui apparaît sur notre radar, on va l'acheter, puis on va rentrer ça là. Et puis, au départ, tu sais, on voulait vraiment comme avoir ce projet-là, on voulait vraiment qu'il soit... à notre image, tu sais, moi je joue pas à Dance Dance, puis je joue pas à Smash, puis tout. Mais là, on s'ajuste vraiment en fonction de ce que les gens demandent, et puis c'est clair qu'une machine de Dance Dance là-dedans, ça le ferait, là, tu sais. Puis les gens seraient très heureux, puis ça serait le gros party, puis très drôle, donc. Ce petit COVID, sérieux, ça me fait de la peine rien que de penser à tous ces beaux parties-là qui n'ont pas lieu, au monde qui danse, qui boivent, qui s'amusent samedi soir, le bar est plein, Fait que, ouais, c'est comme ça qu'on les choisit, Alexandre, en fond, tu sais. Puis aussi, je veux dire, s'il y a une machine, tu sais, mettons, même si on n'a pas besoin d'une Smash TV, moi, je veux une Smash TV dans ma vie. Fait qu'elle va aller chez nous ou elle va aller à l'arcade, je sais pas. Tu vois, Kix, l'arcade que j'ai chez nous, tu sais, Arcade MTL, on avait peut-être pas besoin. C'était un jeu peut-être un peu obscur pour les gens. Ça aurait pris une place peut-être d'un cabinet qui aurait été plus populaire. Fait que je l'ai mis chez nous parce que c'est un jeu que je veux vraiment. On en voit passer là, des hosties de belles machines, là, genre Tempest, là, t'sais, mais ça, c'est comme une pièce de musée, t'sais, Space Invaders. C'est pas des jeux qui sont si fun, mais c'est des jeux que le cabinet il est vraiment wow. Puis t'sais, c'est hot. Mais pour le grand public, t'sais, c'est pas si hot que ça, puis on va se les faire péter. Fait que c'est trop fragile. Donc voilà comment on choisit. Alexandre de Repentigny, Gamache. Crois-tu que les jeux perdent de la valeur d'un point de vue de complétion à cause de l'accessibilité au niveau de la difficulté? Attends un peu. Je vois des itérations être plus faciles à compléter que leurs prédécesseurs et je me demande si d'autres que moi considèrent la baisse de difficulté comme quelque chose de négatif à part Mega Man 1, disons. Donc, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que les nouveaux jeux, surtout ceux à saveur rétro un peu, sont plus... facile aujourd'hui qu'il l'était avant. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que avant, quand on était petit, nous autres, on jouait à des jeux NES puis calice, c'était bien trop dur. On n'était pas capable de finir aucun jeu. C'était vraiment, tu sais, c'est triste, là. C'est vraiment plate là, pour des enfants de ne pas être capable de finir des jeux. Mon fils de 8 ans est en train de. Il a fait chanter Seven Sirens, il a fait Half Genie Hero. Là, il est en train de finir Pirate's Curse. Là, il se peut plus, il veut faire toutes les chantées. Il a presque fini Ori. T'sais, moi, c'est des jeux que je fais quand même facilement. Ben, il y a de la difficulté là-dedans au travers, c'est bien certain. Ori, il y a des bouts que j'ai vraiment gossé, puis c'est bien correct. Puis je trouve les jeux vraiment joliment bien balancés aujourd'hui. Ils peuvent être accessibles à des plus jeunes. Puis pour des gens qui ont un peu d'expérience comme nous, qui en ont même un peu moins, c'est des jeux qui sont faisables puis que tu peux en tirer du plaisir, tu sais. Mettons un jeu comme Blasphemous qui était vraiment un petit peu plus difficile, ou même je vois des gens qui abandonnent rapidement Hollow Knight. C'est deux jeux que j'ai en tête qui sont, à ma foi, absolument incroyables, vraiment bons, qui ont leurs défauts, bien sûr, mais puis qu'un enfant n'aura pas de fun à jouer à ça parce que c'est trop dur. Fait que, tu sais, il y en a aussi, mais tu sais, un coup passé, une coupe d'heure, puis il faut qu'on te garde quand même accroché pendant ces heures-là, tu sais, ça se fait, tu sais. Mario 3D World, je joue à ça aussi avec mes enfants, c'est faisable, on est rendu à la fin, on a pogné une petite tête, ça commence à être un peu plus dur, mais on est là, là, tu sais. Mais, tu sais, Mega Man 1, je veux dire, mes enfants, ils voudront jamais jouer à ça, là, ça va être dégueulasse pour eux autres, là, Castlevania, tu sais, c'est ça, là. Fait que, moi, je pense pas que les jeux perdent de la valeur, je pense pas qu'il y a une question de valeur monétaire là-dedans. Je veux dire, si le jeu est trop dur, les gens vont abandonner, vont dire, ben trop dur ce petit jeu-là, je vais pas jouer à ça, puis tant pis pour la personne qui l'a développé, ils vont peut-être en vendre moins. Balancez vos jeux, faiseurs de jeux, et puis le monde va en acheter, ils vont avoir des bonnes expériences, ils vont vouloir que vous fassiez un 2 puis un 3. Fait que, non, moi je trouve les jeux d'aujourd'hui très bien repensés, très bien balancés. Et puis, ceux qui sont plus durs, tu sais, faut garder le monde en haleine un peu. Faut pas décourager le joueur aussi parce que on est tellement occupé, tu sais, puis on a pour reprendre une question précédente, il y a tellement de jeux qui sortent, on a tellement des gros backlogs, on a tellement, en même temps, si peu de temps à mettre, à finir nos jeux, puis à, tu sais, à avoir du fun. Tu sais, faites-nous pas chier, là, votre jeu, on va abandonner, puis on le finira pas, là, tu sais. Fait que, trouver une façon d'accommoder les joueurs d'aujourd'hui par rapport aux horaires que les gens ont aujourd'hui. Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe. Kevin Boily du podcast Le Chac à cassette me dit: je sais qu'avec nos immenses backlogs, on a tendance à rapidement passer d'un jeu à l'autre. On ne passe plus la cassette des dizaines de fois comme on le faisait avant. Mais il y a des jeux comme Castlevania, Mega Man, Batman, Mario World, etc. qu'on ne se tente jamais et qu'on batte à chaque année. Peu importe la grosseur de la pile de jeux qui te dit « joue-moi ». Donc, ma question, quel jeu plus récent penses-tu revisiter encore et encore au fil des années? Personnellement, lui, Kevin, il y a certainement The Messenger et Curse of the Moon. C'est une bonne question, parce qu'effectivement, j'ai plein de jeux NES que je refais tout le temps, tu sais, Contra, Castlevania, des affaires-là, tu sais, j'aime les refaire, et puis je les connais par cœur, mais c'est pas grave. Tu sais, un coup qui est dans ma chine, même quand il faut que je teste un Castlevania ici, mettons, ou un contrat, parce qu'il faut le nettoyer, le tester, puis le vendre. Quand je le teste, je suis comme, je fais un niveau ou deux, là, tu sais, j'ai tout le temps envie de jouer à ces jeux-là. Mais pour les jeux récents, je t'avoue que là, je suis vraiment plus en mode, genre, je le finis, je l'oublie, merci, bonjour, tu sais, passe, je vais les clencher un à un, puis écrire dans mon sheet, genre, ce jeu-là, il est fini. Fait que, il y a pas tant que de jeux que je veux refaire, revenir à 100%, les finir, tu sais, comme tout ramasser ce que j'ai pas. J'ai pas encore assez de temps pour me. Je me sens mal de faire ça, tu sais. J'ai tellement de jeux qui attendent. Hier, j'ai genre 6 jeux Switch qui sont arrivés, puis que je veux, je veux toutes les faire, puis il y en a aucun là-dedans que je vais finir à 100%. Puis tu sais, même Blasphemous, mettons, c'est un exemple. J'ai fait le jeu, je l'ai fini. Puis là, il est sorti il y a pas longtemps, le DLC avec Marianne de Bloodstained. Fait que là, il y a comme une section. Fait que faudrait que je rejoue à Blasphemous pour aller faire cette section-là. Mais là, ça fait tellement longtemps que j'ai fini le jeu que là, je me souviens plus trop des contrôles, puis de tous mes power-ups, qu'est-ce que je peux équiper sur mon chapelet, puis tout. Puis juste me remettre dans le jeu, genre, ça serait une épopée, tu sais. Fait que là, je suis comme un peu déçu, tu sais. Si je dis, ah non, c'est trop lourd, tu sais, c'est trop d'ouvrage à retourner faire tout ça. Fait que, en tout cas, j'ai pas tendance à vouloir retourner faire les jeux que j'ai finis. J'ai bien de la misère avec ça. Faut que je le finisse à 100% en le faisant une fois, puis après, c'est terminé, il retourne sur ma tablette, puis je le trouve bien beau, tu sais. Mais, par contre, Blasphemous, ça, c'en est un exemple. Je veux aller faire cette campagne-là. Je vais la faire à un moment donné. Là, c'est en dernièrement. Je viens de faire Shovel Knight Plague of Shadows. Donc, j'ai fait Shovel Knight. J'ai fait toutes les DLC, pas les DLC, mais les autres campagnes, les trois autres campagnes, King of Cards et puis Spectre of Torment. C'est tout bon, tu sais. Puis avant de refaire les trois campagnes, j'ai refait Shovel Knight. Donc, rien que pour me mettre dans le bain, parce que la dernière fois que je l'avais fait, c'était sur 3DS quand c'est sorti. Donc, je peux dire que Shovel Knight, des jeux Mega Man-esque, que j'aurais peut-être le goût d'aller chercher des affaires qui me manquent, puis de m'y remettre, là, tu sais, puis qu'ils sont le fun à refaire, parce qu'ils sont justement un peu courts, tu sais, 6 heures, là, quelque chose de même. Donc, si c'est court, je vais y retourner. Je suis d'accord aussi pour Curse of the Moon. C'est des jeux à la Castlevania qui sont le fun à refaire. Je me sens très mal de ne pas avoir fini complètement, proprement, Curse of the Moon 2. Parce que il est plus dur. Et puis quand j'y retourne, je dis ah, je suis trop. C'est comme s'il faudrait que je refasse le jeu au complet juste pour me remettre dedans. T'sais. Fait que je me sens bien mal là, de ne pas avoir exploré ce jeu-là. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Mais ça, va falloir que j'y retourne. Tu sais, les beat'em up, vraiment, Ninja Saviors, River City Girls, j'en parlais tantôt. Ça, c'est des jeux que je veux y retourner en party, jouer à ça. C'est peut-être plus ces jeux-là. T'sais. Mais les grosses aventures, une fois que c'est fini pour moi. François Sanson. C'est touché à répondre, et je sais que c'est redondant un peu comme question aussi, mais j'aimerais savoir ce que tu penses vont être les prix du NES Super NES dans 10 ans, approximativement. Je me pose surtout la question pour les Uncommon Games, les jeux qui sont présentement 50$ à 250$. Si on n'est pas pressé de les avoir, est-ce que c'est mieux d'attendre? Ou au contraire, si on a quelqu'un, mais qu'on peut s'en passer quelques années, est-ce qu'on devrait le vendre pour le racheter une fraction du prix plus tard? Je sais que tu n'es pas un devin, je suis curieux de connaître ton opinion. Les gens vont dire en dessous, Julien Leroux-Garou, il dit « Il l'a toujours dit, vaut mieux acheter les jeux chers le plus tôt possible. » Il saura te le dire pendant le podcast. Et c'est bien vrai. Mais François Sanson, il parle pas des jeux nécessairement chers, mais du mid-range. Ben, tu sais, il y a les jeux chers qui plafonnent. Attendez, je vais m'étirer un peu. Puis, pour le NES, le spa, tu sais, les jeux chers de GameCube 64, présentement, ils montent. Fait qu'achète-les maintenant. Là, c'est plate. La pandémie les a fait exploser, mais ils vont pas redescendre tant que ça non plus. S'ils redescendent, ils ont pogné un nouveau plateau. Donc, dommage, tu les as pas achetés avant ça. NES, Super NES, il y a des mid-jeux. Tu sais, Kevin Boily. Attends un peu, Kevin Boily répond à ça. Je suis 100% du même avis. Je ne vais jamais avoir acheté un jeu Uncommon qui a déprécié dans les dernières années. Worst case, il reste stable, genre Evo, l'eau, ce qui est bizarrement, se tient à 200$ et 250$ depuis des années. Je trouve que Evo est. Mettons, Evo, Super NES et Earthbound, c'est des bons exemples. C'est des jeux que tout le monde veut, qui valent genre 200-250. Puis ça reste toujours dans ce range-là. Jamais que ce jeu-là monte à 500. C'est comme si le marché, il est là. C'est ça. Mais il y a plein de jeux, genre, je sais pas moi, Frankenstein Monster ou NES, qui est un jeu à 20$, qui est rendu au-dessus de 100$. Non, le petit jeu Castle of the Dragon, c'est ça. Et puis, un jeu pas bon, là, attends un peu. Castle of the Dragon, NES, ok? Castle of Dragon, ouais, c'est ça. Donc, quand je vais voir sur Price Charting, je veux juste aller voir ça. Ça, c'est un bel exemple. Castle of Dragon est un jeu. Ah, ben non. Ok, il a rebaissé. Mais, ouais, ça, c'est un jeu à 15$ qui avait monté un peu. Mais bon, pour répondre à la question, les jeux déprécient pas. Donc, achète maintenant ce que tu as besoin. Parce que, c'est ça, j'ai déjà mentionné aussi, mettons, j'ai un ami qui essaye de finir son set NES, puis mettons, il veut, on dit des choses, mais mettons, il manque Panic Restaurant. Panic Restaurant, il est 800$, il était 800$ l'année passée. Il l'a pas. Fait que là, il veut, mais il veut pas payer 800$ l'année passée. Fait que là, une année passe, le jeu est rendu à 1000$. Ou le 2 ans passent, le jeu est rendu à 1000$, des fois 1100$ pour une copie mint. Ben là, il va pas payer 1100, tu sais, il va vouloir encore payer 800. Mais là, ça commence à être dur de trouver un jeu de 1100, 1000 quelques piastres à 800, là, tu sais, tu comprends? Donc, si tu attends de trouver le deal, l'écart se creuse, puis tu trouveras jamais quelqu'un willing de te vendre à ce prix-là, tu sais. Donc, achète-le au prix du marché maintenant, ton jeu à 1000 piastres, là, ton Sculpture Scott au 64, là. Seigneur Dieu, arrête d'attendre, parce que, Chris, ce jeu-là va continuer de monter, parce que le monde, ils veulent full setter leur 64 présentement. Donc, attends pas qu'il monte à 1005, tu l'auras jamais, tu sais. Règle ça, là. Puis, tu sais, si tu trouves un deal à 100$ de moins ou 50$ de moins, tu sais, go for it, là. C'est comme le meilleur deal que tu vas avoir, là. Oui, tu peux attendre d'être fucking chanceux puis de tomber sur quelqu'un qui connaît pas son affaire ou de la... Mais quand est-ce que tu vas trouver ça au Renaissance, tu sais? Ça peut arriver. C'est arrivé avec le Stadium Evans que je possède présentement. Mais les chances sont infimes, tu sais. Donc, achète ce que tu as besoin maintenant. Puis, sois pas inquiet. Puis, vends pas tes affaires pour faire de l'argent non plus. Je vois que tu mentionnes ça, là. Excuse, là, j'ai un ton très rough. Mais je parle pour vous tous. Vends pas tes affaires pour faire de l'argent. Tu sais, tu vas faire plus d'argent. Si t'as pas besoin d'argent, je veux dire, vends pas tes affaires pour faire de l'argent. Tu sais, garde-les, tu vas faire plus d'argent plus tard. Si ton but, c'est de faire de l'argent. Mais, tu sais... Mais ça, c'est une autre affaire, l'argent puis la collection. Je vois tellement de monde qui disent « Ah, j'ai besoin de cash, j'ai un projet, je vends mes jeux. » Là, t'additionnes la valeur de ce que du gars, de la personne, c'est quoi les jeux qu'il y a à vendre. Il y en a pour 1000$. Comme, d'où? Je sais pas c'est quoi ton projet, mais dans vie, c'est beaucoup plus difficile de trouver les jeux vidéo que de trouver 1000$. On peut dire ça de même. Serre-toi à ceinture pendant un mois ou deux, tu sais, je sais pas, fais des virements automatiques, accumule ton 1000$ d'une façon ou d'une autre, 1000$ ça existe. Rechasser ces jeux-là que tu vas vendre pour ton 1000$ maintenant, tu vas avoir de la misère plus tard. Puis, tu sais, mais si t'aimes plus les jeux, tu t'en fous, tu veux vendre tes jeux, ben vends-les, c'est bien correct, là. Mais man, les gens qui vendent leurs jeux pour avoir de l'argent pour un projet, là, faites attention à ça, là. C'est pas facile de retrouver certaines choses là-dedans, là, tu sais. Vous allez vous ennuyer de ça, ou non, tu sais, mais en tout cas, si le cœur y est encore, ça va vous faire mal, puis vous allez vous dire, là, dans 2 ans, quand votre maison va être achetée, là, je sais pas quoi, là, c'est comme, ouais, j'aimerais ça encore avoir mes jeux, tu sais. Parce que dans une vie, pour tout le monde, tu sais, 1000$, mettons, c'est pas si grand chose que ça de nos jours, tu sais. Fait que pensez à ça comme il faut. Mettons, t'as ta collection de jeux, tu veux vendre ça pour avoir 20 000$. Ça te sert à un cash down de maison, sinon t'as pas de maison, puis ta famille a besoin d'une maison, je peux comprendre, t'sais. Puis c'est bien correct. Mais ça se peut quand même que t'ailles mal, puis que t'arrives dans ta maison, tu te dis « Wow, j'aurais donc bien de la place à mettre tous mes beaux jeux ici, puis les mettre beaux, là, parce que j'avais pas de place dans mon appart, mais là j'ai plus de jeux, fait que Colin, là t'es dans encore ces pages de jeux. » Tu te dis « Ah, moi je l'avais ça, King of the Dragons, qu'on plaît en boîte, je l'ai vendu pour acheter ma maison. » Fait que il y a peut-être d'autres moyens aussi d'aller chercher des fonds pour, tu sais, tu comprends? En tout cas, pensez-y comme il faut, l'argent des jeux. Tu sais, c'est pas vendre des pommes, ça pousse pas dans les arbres, c'est dur à chasser. Donc voilà. Olivier Trudel Beaulieu dit « Tu dois te faire poser la question 457 fois par semaine, mais bon. Est-ce que ton dude qui répare les consoles chez RetroMTL est disponible pour prendre les commandes de la populace en général? Parce que, 2 points, il met une image de quelqu'un, du gars de Futurama qui a des piastres. Oui, quand je raccroche le podcast que je finis, c'est de ça que je vais faire. On est en train de monter la feuille et tout. Là. On repousse ce dossier-là depuis trop longtemps. Donc, c'est pas un dossier simple non plus. Tu sais, juste la façon de le faire. Déjà, si tout était sur le même toit, ça serait plus simple. Mais là, c'est pas le cas. Mais on veut mettre ça en branle là, vraiment le plus rapidement possible. Donc, on vous tient au courant là-dessus. Miguel B. Ouellet, quel est l'objet de tes rêves pour ta collection, que ce soit un jeu ou même une console? Moi, personnellement, j'ai pas d'objet de mes rêves. Tu sais, Stadium Events en était un que je souhaitais vraiment avoir. Mais je cherche pas à avoir de Championship Cards de NES ou de trucs du genre. Tu sais, ça serait plus, je dirais, des arcades. J'aimerais ça avoir un beau cabinet d'arcades de Tapper. J'aimerais ça avoir genre 4-5 arcades dans mon sol. Tu sais, tout aligné le long du mur. Il y aurait de la place en plus. Tapper, Smash TV, là j'ai Kix. Puis j'aimerais ça avoir une petite cocktail, un multijeu, genre, ça, c'est des affaires que j'aimerais beaucoup. Puis je pense que j'aillerais pas avoir un cabinet Nintendo Play Choice pour jouer au NES dans un arcade, tu sais. Ça serait vraiment nice. Donc, ou un tabletop Play Choice, là, tu sais, comme une machine pour jouer au NES comme en format arcade. Donc, c'est ça. J'ai pas l'objet des... Je rêve pas de grand-chose, pour être franc. J'ai pas mal tout ce qu'il me faut, là. Côté jeu, j'ai pas un jeu qui... pour l'instant, qui me... Pour vrai, Stadium Events vient pas mal régler ça. Tant mieux pour moi. Éric Hébert. Tu penses quoi de la fermeture des magasins digitales PS3? Bon, j'en ai parlé tantôt. Sébastien, là, il reste-tu bien des questions? Je vais essayer d'accélérer un peu. Sébastien Hood, quelle est ta pire expérience de transaction ou de vente ever? Un cauchemar, là. Le premier qui me vient en tête, j'ai pas eu tant d'expérience de marde en tant qu'acheter, aller faire une transaction dans un stationnement avec du monde. La pire fois, c'est que quelqu'un s'est pas pointé et j'ai perdu mon temps, that's it. Mais un gars, c'est surtout en magasin, tu sais, le monde weird, puis il y en a un, je dois dire, qui nous a gossé pas mal. Le gars, il est comme massif, tu sais, il est comme corpulent, il trotte, il est louche, tu sais. Et puis, il rentre dans le magasin, il passe 2 heures dans le magasin, tu sais, à rien faire, là. À juste comme checker des jeux de 64 qui valent 5$, puis à niaiser, puis à nous faire perdre notre temps, tu sais. Puis, là, il achète, il profite de notre promotion 3 pour 2. Puis là, il achète des jeux de 64 de marde, tu sais. NHL 99 magané à 3$, puis 2 autres jeux à 1 à 10, puis 1 à 5, tu sais. Fait que là, il part avec ça. Puis là, il s'en revient. Puis là, il nous écrit des messages, genre « Hey, rachetez-vous tel jeu. » Puis là, il nous montre d'autres jeux de guenilles qu'il y a chez eux. Comme « Hey, non, tu sais. » Puis « Ouais, mais ce jeu-là, je l'ai acheté chez vous, là, il y a 2 semaines, tu sais. » Puis c'est un autre jeu NHL qu'on veut pas racheter. Ouais, c'est comme « Ben non, ces jeux-là, on veut s'en débarrasser. On veut pas les racheter, tu sais. C'est rien pour nous, ça. On n'en veut pas, tu sais. » Puis là, il revient en magasin, il nous fait perdre notre temps. Là, il dit qu'un jeu, il marche pas. Là, il gosse, tu sais. Fait que... un gosseux, tu sais, qui prend ben de la place. Puis là, quand il nous écrit, son profil, c'est comme une tête de mort, tu sais. Puis le gars, il s'appelle ben, Bandit, je sais pas quoi, Bandit, là, tu sais. Mais c'est pas un gars vocal, là, tu sais. Il est comme juste weird, tu sais. Puis là, il nous a fait une vidéo, à un moment donné, d'un jeu qu'il a acheté chez nous, NBA Hangtime, au 64. Là, il nous a fait une vidéo que le jeu, il jam, tu sais. Genre, le jeu, pendant qu'il joue, il bug rendu à une certaine place. Fait que là, on est dit, d'accord, en même temps, vous savez, ce jeu-là que vous nous montrez, ça peut être n'importe lequel, on n'a pas, il n'y a plus de collant dessus, tu sais, comme, votre vidéo, c'est une chose, mais faudrait le tester en magasin, tu sais, puis là, ça y a fait sauter un hostie de câble qu'on lui dise ça, tu sais, qu'on y explique que dans la vie, on peut se faire crosser nous aussi, comme c'est déjà arrivé quand même une couple de fois, donc, tu sais, il faut qu'on se protège. Puis lui, il comprenait pas ça. Il a vraiment... quoi? J'aurais pas fait une vidéo de. Puis tu sais, comme je le crois, tu sais, mais en même temps, faut être pareil avec tout le monde. Puis là, ce gars-là, c'est un gosseux. Puis il faut le remettre un peu à sa place. Parce que il nous prend du temps. T'sais, il nous prend des heures en magasin. Il nous prend des heures en ligne, tu sais. Fait que là, on lui dit ça. Là, il était vraiment en calice, tu sais. Puis là, on lui a dit, on revient en magasin. On va le tester. On va te l'échanger. On va te le rembourser. Là, il a pas voulu faire ça. Là, il était vraiment... qu'est-ce qu'il a fait après ça? C'est quoi dans la suite exacte? Il est jamais revenu en magasin. Là, il est allé nous mettre un bad review sur Facebook, genre un petit gros paragraphe. Puis là, dans son écriture, il se perdait, là. Il était rendu loin, tu sais, pas de ponctuation, pas de point. Puis là, un moment donné, il parlait de Francis Bouillon. Il connaissait Francis Bouillon. Fait que là, il nous a fait un mauvais review sur Facebook. Il nous a fait un mauvais review sur Google. Il a créé une annonce Kijiji pour dire qu'on était des hosties de mange-marde puis qu'on crossait le monde, qu'on était la pire place de crosseur. Tu sais, il était virulent, là. Il a traité notre staff comme des attaques envers les femmes, là, tu sais. Genre, il a comme... je me rappelle plus ce qu'il a dit. Il a été vraiment disgracieux envers notre staff. Et puis, sur sa page personnelle aussi, que personne consulte, je regardais ça, il faisait des blocs et des blocs et des blocs de paragraphes pour dire à quel point on était de la merde, tu sais. Fait que là, ça c'est une chose, tu sais, moi je m'en crisse, là. Le gars, il a clairement un problème de santé mentale, tu sais. Puis ça arrive, je suis pas en train de dire, un hostie de mongol, tu sais. Il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale, puis ils sont pas soignés ou ils sont pas diagnostiqués, puis ils vivent dans la nature, puis viennent des commerces chez nous, puis arrivent des affaires demain. Mais que veux-tu faire, tu sais? Là, il était comme tellement berserk, là, Là, on a comme pogné la chienne, tu sais. Ce gars-là, il va-tu rentrer avec un gun à un moment donné, genre, pis gunner notre staff, là, parce que c'est Mr. Bandit, là, pis on y a donc ben fait un affront, nous autres, là, pour un jeu à 5$ de Nintendo 64. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, on a pris des captures écran de toutes ses posts, on a pris, gardé ses emails, on a fait un dossier à son nom qu'on a gardé. D'ailleurs, tous ceux-là qui nous font du trouble de même et qu'on répond pas, c'est ça qu'on fait. Mais celui-là, tu sais, on a un dossier volumineux. Donc, on a tout ça. Puis, mais finalement, tu sais, comme on y a dit, comme on te rembourse ton jeu, tu sais, viens, c'est réglé, on te donne ton argent, puis reviens plus jamais. Puis il disait à quel point il était un bon client du GameZone avant. C'est comme d'autres, t'es un mauvais client, t'es une mauvaise personne pour tout le monde. T'sais, j'ai dit pas ça, mais dans ma tête, c'est ça, dans la tête de tout le monde, c'est ça. Fait que c'est ça. Finalement, le feu s'est éteint. Puis tu sais, là, je parle de ça casual, en riant un peu. Mais sur le coup, c'est de l'ouvrage gérer ça. Gérer ça, c'est un asti de paquet de troubles. Là. Quand tu vois un client de même rentrer en magasin, t'es comme, ah oh, non, asti, encore, ça va être long. Puis on est occupés, nous autres, là, tu sais. Puis là, quand il se met à faire de la merde de même, là, faut que tu ailles sur Facebook, comme poker Facebook pour dire que son review ne fait aucun sens, puis c'est des attaques, même affaire pour Google, pour faire enlever. On peut pas, d'ailleurs, en passant, si vous ne saviez pas, en tant qu'entreprise, enlever un review. Tu peux pas faire ça. Quand il y a un review, il y a un review. Par contre, quand il y a un review qu'on juge, nous, pas correct ou disgracieux ou je sais pas quoi, tu vas demander à Facebook de review le review, puis Facebook l'enlève, tu sais. Fait que oui, on enlevait ça, tu sais, puis on a réussi à enlever ces traces-là. Son annonce Kijiji, il y a du monde qui a vu ça, tu sais, c'est n'importe quoi. Fait que, mais ça nous a accaparé l'esprit là, pendant une bonne semaine, là, ce dude-là là, qui nous inquiétait. Fait que il est disparu, on n'a pas réentendu parler. Une fois, il a comme commenté un de nos posts, là, tu sais, ben on l'a banni de la page. Ah, c'est ça qui est arrivé. Il nous a fait du trou puis gossé. Quand on l'a banni, il est devenu berserk, là, tu sais. Fait qu'on a comme, c'est ça qui l'a fait capoter, là. Mais on bannit du monde, là, des fois, parce que, tu sais, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Fait que, pas, il faut. Le pire, c'est que c'est pas de sa faute, tu sais. Je suis sûr qu'il y a un trouble. Puis ça arrive, puis c'est normal, c'est correct, il y a toutes sortes d'humains. Mais ça a été une aventure. Bon, hey, faut aller vite. François Dicantine, est-ce qu'il y a des jeux que tu détestais la première fois quand tu y as joué, mais que tu as fini par aimer en y rejoignant plus tard? Je te dirais tous les jeux tough que j'ai réussi à faire, que j'ai fait dernièrement. Ça c'en est. C'est vraiment, ouais, les jeux que j'étais pas capable de faire quand j'étais jeune, que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est les meilleurs exemples. Junior Charlebois, je me souviens, non, Antonin Fréchette. PS5 ou Xbox Series X, selon toi? Je vais répondre très rapidement à ça en non-connaissance de cause. Je trouve que la PS5, on dirait qu'il n'y a rien à jouer là-dessus. Je comprends pas en tout les gens de vouloir une PS5 présentement. On dirait que tous mes amis qui en ont, ça n'en servent même pas. Ça sert à rien, on dirait. Fait que Xbox Series X, pour moi, juste pour le Game Pass. That's it. Junior Charlebois, je me souviens plus comment tu as dit ça, mais dans ton dernier podcast, tu as dit, désolé si je n'utilise pas les bons termes, regretter le nom de Retro MTL pour la boutique de jeux vidéo. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est que je trouve que c'est un nom généré. On a bâti un peu l'identité de Retro MTL sur celle de Arcade MTL. Au départ, même le logo était pareil, un peu la signature avec le MTL. On voulait utiliser un peu la puissance d'Arcade MTL pour launcher Retro MTL. Et puis, ce que j'aime pas, finalement, on a changé notre visuel et tout, puis c'était vraiment nécessaire. Mais ce que j'aime pas de Retro MTL, personnellement, c'est que je trouve ça un peu trop générique. Ça l'a. C'est très bon côté qui fait qu'on est facilement trouvable sur les moteurs de recherche. Et puis ça, c'était surtout l'objectif. Le mauvais côté à ça, c'est que ça nous rentre dans le rétro alors qu'on fait pas juste des jeux rétro. T'sais. Quand il n'y aura plus de jeux physiques, les jeux physiques next-gen d'aujourd'hui deviendront rétro, là, vont être rétro all the way. Mais t'sais, c'est trop catégorisant rétro alors que t'sais, ça devrait s'appeler jeu vidéo MTL. Tu comprends? Ça ne s'appellera pas de même parce que c'est pas sexy. Mais Retro MTL, c'est pas si sexy que ça non plus. Sexy que ça. Mais c'est ça que je trouve. C'est fort par le générique, mais les mauvais côtés du générique aussi fait qu'il y a des gens, des fois, qui savent pas trop ce qu'on fait vraiment. que ça couvre juste le rétro, ça peut être des meubles. Il y a un barbier là, qui existe, le rétro Montréal, je sais pas quoi, que lui, dans le fond, c'est un barbier, mais chez eux, dans son commerce, il y a aussi des jerseys vintage de sport et des affaires de même. Fait que des fois, on reçoit un téléphone, tu sais, de gens qui cherchent, qui veulent s'adresser à ce commerce-là puis qui appellent chez nous en place, tu sais, puis ça doit être l'inverse pour lui aussi. Donc, c'est ça, c'est pas... Puis, mettons, le pro du rétro au marché aux puces métropolitain, on reçoit du monde. Tu sais, le mot qui appelle ici, puis il y en a sûrement qui appellent là-bas aussi à cause du mot rétro. Donc, c'est bien... Ça a la force de d'être dans le jeu rétro, mais ça peut mélanger les gens, tu sais. Puis, il y a des gens qui utilisent rétro Montréal ou rétro MTL ou jeu rétro MTL pour nous copier, pour essayer de d'accaparer... de nous prendre un peu notre force de nom, puis que les gens ils vont là par accident, puis ils découvrent qu'il y a d'autres affaires qui existent, parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont comme ça. Et puis, je les salue. Et puis, on a envoyé des mises en demeure à cet effet, et puis on garde ça. Tu sais, il faut qu'on se défende contre ces affaires-là, donc ça nous cause, encore une fois, du travail et puis de la gestion. Donc, disons que si on avait appelé ça « grosse cerise jeux vidéo », on n'aurait pas les problèmes, on n'aurait pas ce genre de problème-là, tu sais. Mais en même temps, Retro MTL, c'est bilingue, ça passe partout et puis c'est flexible, mais c'est ça, ça a tous ces side effects-là. Donc, à un moment donné, j'ai dit au gars, tu sais, on était comme en phase de grossir puis tout, puis on avait ces problèmes-là à régler, puis là, c'est comme, ça serait, si on a à changer, c'est le temps, maintenant. Parce que après ça, ça va être trop d'ouvrage de tout changer, notre branding, puis nos noms, puis toute la patente. Puis on a décidé d'aller de l'avant. Fait que ça va rester Retro MTL parce que là, on peut pas revenir en arrière. Là, il y a trop de choses. Mais c'est ça. Si on avait pris un nom plus générique qui veut dire un peu, tu sais, ça aurait été peut-être plus simple. Mais non, je regrette pas. Je veux dire, ça marche. Là. Tout nom d'entreprise qui fonctionne, les gens s'habituent à ce nom-là. T'sais, Google, c'est-tu un bon nom? Dans un sens, oui. Mais même si tu trouvais ça bizarre comme mot Google au départ, ah, c'est tellement dans la tête du monde que tu t'en rends même plus compte. T'sais, c'est comme un nom d'un enfant que tu trouves weird. Ben, à force de dire le nom de cet enfant-là, t'sais, tu t'habitues et c'est plus un problème. Donc, on est comme un peu là, je dirais. Mais là, pourquoi je disais ça? Je pense que j'aurais pas le temps de faire à tout le monde, là. JF Mascotte, sujet. Manette de remplacement idéale pour bonne prise et rapidité des contrôles, etc. NES, Super NES, Sega Master, Sega Genesis. Je peux pas nommer toutes les manettes que je pense, mais je vous dirais pour des bonnes manettes, wireless surtout, 8-bit Do. Allez sur le site de 8-bit Do. Vraiment, c'est là que ça se passe. Des excellentes manettes. Alexandre Morin, les questions les plus étranges que vous avez eues ou anecdotes les plus croustillantes qui sont arrivées à Retro MTL ou Arcade MTL? Ça, c'est un sujet qui peut couvrir un épisode au complet, donc ça sera pour plus tard. On a eu un exemple tantôt. Salut Papa Cassette, combien de temps as-tu pris pour compléter le full set NES, le morceau le plus difficile à trouver à part Stadium Events, de Eric Plourde? Pour compléter le full set NES, comme j'ai déjà mentionné, j'ai eu l'opportunité d'acheter un quasi full set à bon prix. Donc, tu sais, comme la grosse job de Brad Feller était faite. Puis tous les jeux plus compliqués, là, les Mickey Numberland, Mickey, tu sais, Ghost Lion, quoi que ça passe un petit peu plus. Mais il y a The Widget, tu sais, il y a plein de jeux. Il y a plusieurs Jeopardy, il y a plusieurs Fisher-Price. Tous ces jeux-là qui peuvent être compliqués, j'ai eu la chance de les avoir déjà clés en main. T'sais. Donc pour moi, compléter mon set, ça a été d'acquérir les gros jeux. Puis comme j'en ai parlé au début du podcast, pour la personne qui me posait comment acheter tel ou tel jeu que tu cherches, c'est tout fait avec des contacts. T'sais. Sur ma page Facebook, je dis « Hey, je fais le full set! » Ben, y a du monde qui me poke. T'sais. Cette semaine, il y a quelqu'un, Axwell Sparrow, me semble son nom, qui m'a poké. Il a dit « J'ai des 5 screws, moi, que je pourrais te vendre puis tout ça. » J'ai envoyé ma liste. Peut-être je vais retrouver des 5 screws là-dedans. Donc, moi, je lance ça de même. Puis, je vois où j'écris sur des pages, et puis, comme, hey, je veux closer le NES, et puis, je cherche un Little Samson. Il y a quelqu'un qui va t'écrire quelque part qu'il y en a un à vendre. Donc, j'ai pas eu de difficulté à trouver quoi que ce soit, parce que les jeux NES, c'est quand même répandu, tu sais. Donc, tu sais, j'ai tout trouvé ce qui me manquait sur eBay. Ça suffit juste d'attendre le bon prix. Donc, le prix du marché, plus shipping, j'étais prêt à payer ça pour les pro sports hockey. Swordmaster, tous les gros jeux que j'arrivais pas à trouver dans la nature. Je les ai payés le prix du marché, plus le shipping. Ça fait mal sur le coup parce que ça vient plus cher, mais you know what? Aujourd'hui, ils valent déjà plus cher que le prix que je l'ai payé quand j'ai fini mon set il y a 2 ans. Mon set a pris full de valeur. Donc, c'est ça. Stadium Events demeure un item assez introuvable. Donc, vu que j'avais l'opportunité de l'acheter, je l'ai fait, encore une fois. J'avais pas nécessairement ce montant-là à dépenser si facilement, mais je me suis organisé, puis mes affaires vont très bien. Quoique j'attends encore mon retour de la comptable pour les impôts. My God, je me croise les doigts, j'espère pas trop en payer. Mais l'opportunité était là et je l'ai saisie. Donc, saisissez les opportunités, c'est la chose à faire. Nicolas Gervais, 2D, 3D ou 2D Fighters? Ah, j'aime les deux. J'aime les deux. Moi, je suis vraiment plus Street Fighter que Mortal Kombat. Donc, moi, j'ai Street Fighter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis dans les 3D Fighters, Tekken, Soul Calibur, j'adore. C'est des séries que j'aime beaucoup. Le très obscur Star Gladiator au PlayStation 1 est un jeu que j'aime de cœur. C'est tellement pas connu ce jeu-là, c'est tellement bon. Donc, c'est pas un ou l'autre en ce qui me concerne. Il y a des séries que j'aime dans les deux. Florent, est-ce qu'un quelconque projet à Verdun est toujours d'actualité? Non, on n'a plus une crise de scène. Donc, oubliez ça, Verdun. Oubliez toute forme de développement d'arcade MTL pour certainement 1 an suite à notre réouverture parce qu'on n'a plus une crise de scène puis on est sur le respirateur artificiel des subventions qu'on reçoit, comme tous les propriétaires de bars du Québec qu'on oublie dans le coin et qu'on fait. Et à chaque fois, man, que ça parle de réouverture potentielle, on mentionne les restos, les salles à manger, les théâtres, les salles de spectacle. Jamais que le mot bar est mentionné. Les bars, c'est comme le style mouton noir que tout le monde veut pas penser que ça existe, parce que c'est méchant. On est vraiment comme raculé, remis dans le coin. On pense pas à nous, man. Il n'est jamais question que nous autres, t'sais. Fait que oubliez ça. Oubliez tout ça. Si on réussit à survivre, ça sera déjà ça. Sébastien Nollet, ça achève. Il en reste 4. Je sais que tu es un grand fan de Castlevania. Quel personnage aurais-tu aimé incarner et pourquoi? Étais-tu pour ou contre que des héros soient autres que des Belmonts? Première partie de la question, j'ai pas envie d'incarner nécessairement un Belmont, je te dirais. Mais deuxième partie de la question, oui, j'ai été un peu estomaqué des fois qu'il y a, surtout pour Soma Cruise. Tu sais, là, je suis comme, OK, là, il y a des guns, c'est japonais, c'est récent, ça va dans le passé, c'est weird. Mais les jeux sont bons, alors j'ai accepté ça. Mais je préfère quand même des Belmont. T'sais. Puis bon, des Morris, ça a d'autres noms que des Belmont, ça fait le même job. All right, mais tu sais, ça prend des Belmont. J'aime mes Castlevania, Belmonté. Coots, Steph me demande quand un Metroid 2D. Si je le savais, personne ne le sait. Donc ça va être Metroid Prime 4, le prochain projet Metroid d'après moi. Mais pour un Metroid 2D, ben on vient d'avoir un remake de Metroid 2, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que d'après moi, c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc allez assouvir votre besoin dans les jeux indie. Bubu Landry, le jeu qui a la plus grande valeur sentimentale pour toi. Ça sera des jeux NES, c'est bien certain. NES et Super NES. Si on parle au point de vue collection, c'est bien certain que des jeux comme Final Fantasy 2, complet en boîte, pour moi, c'est bien important. Des jeux de mon enfance, des Castlevania. Tous les jeux de mon enfance, en fait, sont tous des jeux qui ont une plus grande valeur sentimentale pour moi. Il y a eu Castlevania 3 au NES, Blaster Master. Mais au Super NES, qu'est-ce que j'avais? Castlevania 4, Final Fantasy 2, 3, ce genre d'affaires-là. PlayStation 1, Star Gladiator, j'en ai parlé. Symphony of the Night, Metal Gear Solid. Tous les jeux qui m'ont fait vivre des grandes émotions quand j'étais jeune sont tous des jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Le plus, tu sais, même des jeux comme Skate or Die 2 qui a comme marqué ma vie à un moment, tu sais, précis que je passais à l'adolescence, puis la musique, le skate, j'étais là-dedans, tu sais, c'est bien important pour moi. Final Fantasy 3 au Super NES, j'étais un ado, là, de, je sais pas, moi, 15-16 ans, j'ai passé des tonnes d'heures dans ma chambre, assis à terre avec ma petite télé à grinder mes personnages. Tu sais, juste d'entendre la musique, ça me replonge exactement dans ces années-là. Ma blonde, mes blondes que j'avais dans ce temps-là, les parties qu'on faisait, une certaine, comment dire, une certaine... Tu sais, t'es un ado, t'es comme des fois un peu déprimé. La déprime que j'avais de vivre en région, tu sais, mon désir de m'exalter, d'aller vivre ailleurs, d'être en ville, d'avoir de découvrir des gens qui me ressemblent, tu sais, ça... C'est, tous ces jeux-là, des jeux de mon adolescence, les jeux de mon enfance pour le plaisir, les jeux de mon adolescence pour le plaisir, oui, mais aussi pour les émotions, les boules d'émotions d'être un ado, tu sais, il y a des jeux que tu as joué à ce moment-là, ces jeux-là, man, surtout des RPG de Super NES, me rentrent exactement là-dedans, là, tu sais, ça c'est très très très fort, là. Je testais un Final Fantasy 2 hier justement, fallait que je me rende jusqu'à la sauvegarde pour voir si le jeu sauvegardait, là, parce qu'il n'y avait pas de game de service à la cassette. Juste là, la musique du début, là, quand t'es dans le Air Wing, pis Cécile qui pogne le cristal, tu sais, je suis comme « Oh my God, ben c'est venu me chercher, là! » Le plancher en style de cristal qu'il y avait, tu sais, comme le look, c'est, j'en ai quasiment les larmes aux yeux, man. Pour finir, François Beaucaire-Gaudreau, parle-nous d'Evo, qui se fait acheter par Sony. Donc, ça va finir en queue de poisson, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles. Je suis pas beaucoup les nouvelles next-gen comme ça, c'est pas mon dada du tout. Donc, je sais pas ce que ça implique. Je suis beaucoup parlé. Mon café est très froid. Donc, ça fait beaucoup de questions. J'espère que ce fut divertissant pour vous, chers amis. Et puis, j'aurais aimé le sortir plus tôt. Comme je disais, je me sentais pas en shape. Mais c'est quand même un show d'une bonne longueur. Là. Ça fait combien de temps? 1h25. Donc, là, merci Kevin Boily de m'avoir dirigé vers où est le radar de temps sur dans OBS. Oui, les questions du public, je me rends compte que c'est tout le temps beaucoup plus profond. Mais en même temps, on explore plein de choses. Donc, je trouve ça intéressant pour vous, personnellement. Mais moi aussi, je réécoute mes podcasts pour voir comment ça sonnait et tout. Donc, puis qu'est-ce que je dis? Voir si je me mets pas le pied dans la bouche. Et puis, même si je me mettais le pied dans la bouche, je fais aucun montage, je fais juste crisser ça en ligne, puis je réécoute par après, puis fuck it. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de me réécouter, voir qu'est-ce que j'ai dit. Ça risque d'être bon! Alors, merci tout le monde d'avoir été présent, puis merci de me poser des questions, c'est très gentil. Alors, je vous remercie beaucoup, et puis on se reparle très bientôt. Bye!